50 languages. 70. 70. 70. Yuhibbu, yuridu, yawaddu shay'a. Désirer quelque chose. Désirer quelque chose. Atuhibbu at-tadkhin? Désirez-vous fumer? Désirez-vous fumer? Atuhibbu ar-raqs? Désirez-vous danser? Désirez-vous danser? Atuhibbu as-sayra 'ala al-aqdam? Désirez-vous vous promener? Désirez-vous vous promener? Uridu an udakhin. Je voudrais fumer. Je voudrais fumer. Aturidu sijara? Veux-tu une cigarette? Veux-tu une cigarette? Innahu yuridu wallaa. Il voudrait du feu. Il voudrait du feu. Uridu an ashraba shay'an. Je voudrais boire quelque chose. Je voudrais boire quelque chose. Uridu an akula shay'a. Je voudrais manger quelque chose. Je voudrais manger quelque chose. Uridu an artaha qalila. Je voudrais me reposer. Je voudrais me reposer. Uridu an as'alaka shay'a. Je voudrais vous demander quelque chose. Je voudrais vous demander quelque chose. Uridu an atluba minka shay'a. Je voudrais vous demander pour quelque chose. Je voudrais vous demander pour quelque chose. Awaddu an ad'uka li shay'a. Je voudrais vous inviter à quelque chose. Je voudrais vous inviter à quelque chose. Ma turidu hadratak? Que désirez-vous, s'il vous plaît? Que désirez-vous, s'il vous plaît? Hal turidu qahwa? Désirez-vous un café? Désirez-vous un café? Am annaka tufaddilu shay? Ou préférez-vous un thé? Ou préférez-vous un thé? Nuridu an nadhhaba ila al-bayt. Nous voudrions aller à la maison. Nous voudrions aller à la maison. Hal turiduna sayyarata ujra? Désirez-vous prendre un taxi? Désirez-vous prendre un taxi? إنهم يريدون الاتصال بالهاتف. Il voudrait téléphoner. Il voudrait téléphoner. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.